down. You let those up, aren't you? Je vois des trucs de fou dans mon secteur. Je vois des gros jaloux, des gros bandeurs. Je suis en scout, je fais des zones jusqu'à pas d'heure. J'écris le texte, je suis calé, il est 2h28. Toute la journée, rien que ça débite. Faut délover, faut sauver, viser le sommet. Faut sauver, viser le sommet. On connaît tous le chemin du paradis. Mais on fait n'importe quoi dans nos vies. C'est la vie, j'ai le cœur vide, les poches vides. La taille vide, j'ai des millions et il me les faut vite. Elle dit que je suis mignon mais que je suis pas sensible. Je suis tout Pérignon, je suis pas très loin de ma ville. Sans ma daronne, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'aurais peut-être aimé toute ma vie. Je me retrouve solo dans mon navire. Ça va pas, j'ai le cœur qui chavire. Et je suis sur le terrain comme Xavi. Je m'en passe de votre avis. J'ai de moins en moins d'amis. Plus de sous, plus d'habits. Si ça paye pas, je vais revendre la bœuf. Pimpon, y'a les 22, je me fais contrôle, je te rappelle en 2-2. Je me fais contrôle, je te rappelle en 2-2. Ara pimpon, y'a les 22, je me fais contrôle, je te rappelle en 2-2. Je me fais contrôle, je te rappelle en 2-2. Je vois des trucs de fou dans mon secteur. Je vois des gros jaloux, des gros bandeurs. Je suis en scout, je fais des zones jusqu'à pas d'heure. J'écris texte, je suis calé, il est 2h. 28, il est 2h. 28. Il est 2h28, il est 2h28, il est 2h28, 2h28, j'ai peut-être bu de litres, mais je conduis la 2-7, à 220 sur la A7. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? On vend plus des barrettes, je dépense comme un Qatari, mais je touche pas la SACEM. Elle m'a redit je t'aime, j'ai de très gros problèmes. Elle m'a redit je t'aime. J'ai de très gros problèmes. J'ai de très gros problèmes. Ara pimpon, y'a les 22. Je me fais contrôle, je te rappelle en 2-2. Je me fais contrôle, je te rappelle en 2-2. Ara pimpon, y'a les 22. Je me fais contrôle, je te rappelle en 2-2. Je me fais contrôle, je te rappelle en 2-2. Je vois des trucs de fou dans mon secteur. Je vois des gros jaloux, des gros bandeurs. Je suis en scout, je fais des zones jusqu'à pas d'heure. J'écris texte, je suis calé, il est 2h. Je vois des trucs de fou dans mon secteur. Je vois des gros jaloux, des gros bandeurs. Je suis en scout, je fais des zones jusqu'à pas d'heure. J'écris texte, je suis calé, il est 2h. 28, il est 2h. 28, il est 2h. 28, il est 2h. 28, il est 2h. 28, il est 2h. 28, il est 2h. 28, il est 2h. 28.